La chronique de l'association de soccer de Dolboom, c'est signé avec notre ami Dominique Fortin-Dufour. Salut Dominique! Dominique, oui. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine à Dolboom, c'est signé? Hier soir, il y avait le senior féminin qui jouait contre Oberval. Malheureusement, ils ont perdu 4-0. C'était un peu plus difficile, là. Quand ils n'ont pas les filles, senior filles, ils n'ont pas d'entraîneur. C'est la première année qu'ils n'ont pas d'entraîneur. Fait que, tu sais, des fois, c'est un peu plus dur de se roder puis d'apprendre à jouer ensemble, là, puis de réussir à bien jouer. Comment ça fait? Comment ça se dit qu'ils n'ont pas l'entraîneur? Ils n'ont pas réussi à en trouver? Comment? Ben, senior féminin, souvent, on essaye d'en mettre un parce que c'est pas comme les gars. Les gars, ils ont plus de facilité à jouer ensemble, tout ça. Mais les filles, cette année, malheureusement, on n'a pas eu la chance de trouver un entraîneur qui pouvait les prendre et qui était prêt à les prendre aussi. Okay. Sont difficiles à entraîner quoi que ce soit, c'est juste que souvent le monde n'a pas le temps ou il y a personne qui pouvait là, malheureusement. L'année dernière, il y en avait qui pouvaient là, ça allait quand même bien. Okay. Mais cette année, ils n'ont pas pu revenir. OK, OK. Donc Robert Val, il y a-tu encore une grosse équipe parce que quand je faisais des chroniques avec Robert Val, Dalton Marie-Ève Martel, c'était une équipe Marie-Ève Lebel, pardon, c'est une équipe qui était bien rodée là, c'est une équipe qui faisait longtemps que le club existait puis ça paraissait. Est-ce que l'équipe est encore forte? Oh, oui, Robert Val, ils sont toujours assez forts. Tout ça, même en division 3, là, côté féminin, là, sont assez forts. OK, là. OK, OK. C'est souvent des filles qui jouent ensemble depuis déjà un petit bout. Ouais. Là, donc, puis, à ce niveau-là, sont il n'y a pas de limite d'âge là, au niveau senior. Là. C'est pas comme ailleurs. Là. Je veux dire, ailleurs, c'est des U10, U16, U12, U14. Donc là, c'est des équipes qui sont rodées, qui sont habituées de jouer ensemble. Puis c'est ça pareil. Là. Oui. Ailleurs maintenant. Ouais. Ensuite, les seniors masculins ont joué dimanche dernier à Dolbeau contre le Chinook. Ça, c'est la deuxième équipe à Chicoutimi. Okay. Ils ont gagné 7-0 en 35 minutes. OK. Pourquoi 35 minutes? Parce que après 7-0, normalement, ils arrêtent de compter les points. Puis, l'arbitre demande si les autres équipes veulent continuer à jouer pareil. Ils ne compteront pas les points, mais s'ils veulent continuer à jouer pareil, pour juste le plaisir, ils devraient la même. Mais ils n'ont pas voulu, malheureusement. Ils ont décidé d'arrêter ça. Là. Okay. Fait qu'après 35 minutes, le match était fini. Tout le monde était parti. Bon. OK. Ensuite, hier, le senior masculin jouait contre l'Abbé, qui est la deuxième équipe au classement. Dolbois a gagné 5-1. Oh, OK, ouais. Oui, ça a été vraiment un bon match. Là. Surtout plus en deuxième demi qu'en première demi. En première demi, ça a été un peu plus dur de se placer sur le terrain, tout ça. Mais après ça, quand on a commencé à fonctionner, là, ça a bien été tout ça. La B, c'est une grosse équipe, puis joue physique. Okay. C'est souvent c'est dur là, de jouer contre eux. OK, OK, OK. Hey, oui, continue. On a le U12 masculin que malheureusement hier ont perdu 6-0. Contre Oberval, qui est encore là. Oberval, ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble, là, cette équipe-là, U12. Là. Ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble. Fait que eux autres sont déjà bien rodés. Nous autres, c'est une nouvelle équipe cette année. C'est un peu plus dur, tout ça. Et que ça passe du U10 à U12, là, c'est un peu plus dur là, de passer soccer à 9, soccer à 5, à soccer à 12. OK, OK. Donc, ouais. Ça fait pas mal le tour pour cette semaine. Hey, mais il y avait aussi la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était la journée de... C'était la fête du soccer. Il pleuvait des cols, comme qu'on dit. On avait fait ça au Cœur-Vaillant. Comment ça a été? Ah, ça a très bien été. On a eu une bonne réponse des jeunes, tout ça. Encore là, ça a été, comme on pourrait dire, un succès. Ouais. Niveau là, de la participation des jeunes, là, encore là, ça l'a embarqué là, à 100%. Puis, en plus... on avait plusieurs beaux prix là à donner, à faire tirer. Là. Les jeunes étaient très contents. OK. Dis-moi, il y a des gros tournois qui s'en viennent. Je sais que la semaine prochaine, il y a un gros tournoi à Chicoutimi. D'ailleurs, on va faire un reportage avec notre ami Maxime Pépin, qui est le responsable. Est-ce que Dolboom et Sassini vont envoyer des équipes? Oui, on a le senior masculin qui y va. OK. Senior féminin aussi. OK. On a le U14 masculin, U14 féminin. On attend encore là, des réponses là, de d'autres clubs, là, surtout Saint-Prime là, le U16 féminin, s'ils sont capables, là, on est capable de mixer deux équipes ensemble, là, parce que U16 féminin sont un petit peu moins, sont un peu plus limites. Okay. Allez, on attend 1000 personnes, 1000 joueurs de soccer, c'est beaucoup. Oui, mais je suis coutumier, c'est ça, c'est un beau tournoi, tout ça. Ils ont des beaux terrains, ils ont plusieurs terrains aussi. Fait que quand on a la chance d'y aller, puis aussi les autres qui ont la chance de pouvoir organiser un gros tournoi comme ça, là, pour le fun. Là. OK. D'en avoir un gros dans la région, là, pour nous donner une chance de jouer contre d'autres équipes là, qui viennent d'en dehors de la région. Là. Ça, c'est toujours plaisant là, pour les gens. Parallèlement, il va y avoir un tournoi à traverser également. Ça, est-ce que vous allez avoir des équipes là aussi? Malheureusement, cette année, la traversée, nos jeunes n'y vont pas. Ils vont aller, par contre, au tournoi à Allemagne, okay, dans la première fin de semaine de août, si je me trompe pas. Encore là, un très beau tournoi. Ils ont plusieurs terrains, fait que c'est possible là, pour eux de faire quand même des bons tournois. Et pour quand un tournoi de Boom-Sisney? Parce que je sais que dans le temps avec Jeannick, on en parlait, fait que est-ce que ça va voir le jour un jour? Ouais, on sait pas encore, là. C'est sûr que le projet est pas abandonné, là, mais c'est sûr qu'on aimerait toujours avoir ça. On aimerait toujours l'avoir. OK. Ben, Dominique Fortin-Dufour, on s'en parle à quelque part la semaine prochaine. Parfait. Voilà, Dominique Fortin-Dufour, le responsable du marketing de l'Association de soccer de Boom-Sisney.